بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنتكلم اليوم كما علمتم عن موضوع هام ألا وهو التقوى. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important, comme vous le savez, c'est التقوى. والتقوى للأسف الشديد كثير من الناس يتصرفون كأنها سب أو شتم. Malheureusement, on a beaucoup de personnes qui, dans leur agissement, font comme si la taqwa c'est une insulte. فإذا قيل له اتق الله يرد عليك اتق الله أنت كأنك شتمته. Si tu lui dis « Taqillah », il te répond en disant « Taqillah anta », comme si tu l'as insulté. Comme si c'est une insulte ce mot. « Ma anna Allah tabaraka wa ta'ala amara al-mu'minin bi-taqwa fi ghayri ma'aya » Alors que Allah tabaraka wa ta'ala, il a ordonné aux croyants d'adopter la taqwa dans plusieurs versets. « Ya ayyuha alladhina amanu » اتقوا الله حق تقاته. Ô ceux qui ont cru, faites preuve de taqwa comme il se doit. Craignez Allah comme il se doit. فالخطاب هنا موجه إلى أهل الإيمان لأن إيمانهم يحملهم على ملازمة التقوى. Le discours ici s'adresse à ceux qui ont la foi. يا أيها الذين آمنوا. Ô ceux qui ont cru. Le discours ici s'adresse à ceux qui ont cru, car leur foi les amène à faire preuve de taqwa envers Allah tabaraka wa ta'ala. Wa taqwa ismun ma'khudhun min al-wiqaya. Taqwa, c'est un mot qui est tiré, qui vient du mot al-wiqaya, qui signifie la protection. Wa al-wiqaya ma'rufatun hiya ma yattakhidhuhu al-insan. لِيَقِيَ نَفْسَهُ مِنْ شَرٍ قَدْ يُصِيبُهُ. Et الْوِقَايَة, cette protection, elle est connue, c'est ce qu'une personne peut prendre pour se protéger d'un mal qui peut l'atteindre. La personne va donc prendre un moyen de protection pour se protéger. وَالتَّقْوَى أَنْ يَتَّخِذَ الْإِنسَانَ مَا يَقِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ. Et la taqwa, c'est le fait que la personne va agir de façon à prendre une protection pour se protéger du châtiment d'Allah et de sa colère. Et qu'est-ce que cette protection? فَيَعْمَلُ صَالِحًا. Il accomplit de bonnes actions. وَيَجْتَنِبُ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ. Et il va délaisser ce que Allah a interdit. وَهَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُ إِلَّا بِالْعِلْمِ. Et cela, la personne ne peut le faire qu'avec la science. كَيْفَ تَكُومُ بِالْوَاجِبَاتِ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهَا وَكَيْفَ تَجْتَنِبُ الْمَعَاصِي وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهَا. Comment peux-tu accomplir les obligations alors que tu ne les connais pas? De la même façon, comment peux-tu délaisser les interdits alors que tu ne les connais pas? فَلِذَلِكَ مِنْ أَجْمَلِ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ التَّقْوَى مَا قَالَهُ طَلْقِ بْنُ حَبِيبٍ. Et c'est pour cela que, parmi les plus belles donc définitions qui ont été données de la taqwa, la définition citée par Talq ibn Habib. Lorsqu'il dit « التَّقْوَى أَنْ تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ تَرْجُو ثَوَابَ اللَّهِ وَأَنْ تَتْرُكَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ تَخَافُ عَذَابَ اللَّهِ. Il dit donc, taqwa, c'est le fait que tu agisses dans l'obéissance à Allah, avec une lumière venant d'Allah, espérant la récompense d'Allah. Et que tu délaisses la désobéissance envers Allah, avec une lumière venant d'Allah, par crainte du châtiment d'Allah. فَالْعِلْمُ مِنَ اللَّهُ فَالْنُورُ مِنَ اللَّهُ وَالْعِلْمُ. Et donc cette lumière venant d'Allah, c'est la science. وَبِهِ تَعْرِفُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ. Et c'est par cette science que tu vas connaître ce qui t'est obligatoire et ce qui t'est interdit. ثُمَّ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِفَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُكَ بِمَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ. Et ensuite, il est important que tu saches, ô Abdallah, que Allah ne t'ordonne pas de faire ce dont tu n'as pas la capacité de faire, d'accomplir. Et c'est pour cela qu'il dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge une âme qu'en fonction de sa capacité. Allah ne charge une âme qu'en fonction de sa capacité. Falidhalika qal. Et c'est pour cela que Allah il dit, fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah tant que vous le pouvez. Craignez Allah en fonction de vos capacités. Faites preuve de taqwa envers Allah en fonction de vos capacités. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient ce verset, ils pensent que, comme il dit Cheikh Ibn Uthaymeen, certains pensent que cela incite à délaisser les œuvres. Non. Craignez Allah en fonction de vos capacités. Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien du tout. Ça veut dire que tant que tu peux le faire, tant que tu as la capacité de le faire, alors crains Allah et fais-le, ne le délaisse pas. Il faut bien comprendre ce verset, mes frères. ثم التقوى شأنها عظيم. فإن التقوى من أكبر أسباب أو من أكبر الأسباب التي بها يجعل الله لك مخرجا من كل ضيق. La taqwa, son rang est énorme. Sa situation, elle est grandiose. Parce que la taqwa fait partie des plus grandes causes qui vont faire que Allah va t'accorder une issue de toute gêne. Une issue de toute gêne. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja » Celui qui craint Allah, celui qui fait preuve de taqwa envers Allah, alors il lui accorde une issue. Les savants, ils disent, makhraj min kulli shay, sawa an kana fil mal, aw al awlad, aw al amal, aw al siha, aw ghayri dhalik. Les savants, ils disent que c'est une issue de toute gêne. Que cette gêne soit dans l'argent, dans le travail, la santé, les enfants ou autre. Toute difficulté que tu ressens dans ta vie. On est tous éprouvés. Toute difficulté que tu ressens dans ta vie. Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde une sortie, une issue, et la cause de cela est ta quoi? ثم نزيد على ذلك أن التقوى من أكبر أسباب الرزق. On rajoute à cela le fait que la taqwa fait partie des plus grandes causes de la subsistance, de subsistance. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui fait preuve de taqwa envers Allah, il lui accorde une issue. Il lui accorde une subsistance de là où il ne s'attend pas. De là où il ne s'attend pas. فَأَنْتَ اِعْمَلْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَاتَّقِي. Alors, œuvre dans l'obéissance à Allah et fais preuve de ta croix envers lui. Et tu en verras les fruits ici-bas avant l'au-delà. Incha'Allahu ta'ala. وَكَذَلِكَ التَّقْوَى لَهَا فَوَائِدْ أُخْرَى. Et aussi, la taqwa, elle détient beaucoup d'autres profits. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Si vous faites preuve de taqwa envers Allah, alors celui-ci vous accordera le discernement. Et il expiera vos péchés et vous pardonnera. Et donc, que pouvons-nous comprendre de ce verset, ô serviteur d'Allah ? Faites taqwa sababun liziyadat al-huda. La taqwa, c'est une cause d'augmentation de la guidée. Une cause d'augmentation de la guidée. Falmuttaqi Allah yaj'al lahu ma yufarriqu bihi bayna al-haqq wal-batil. Celui qui craint Allah, celui qui fait preuve de taqwa, qui va donc accomplir les obligations et délaisser les interdits pour Allah tabaraka wa ta'ala, Allah il va lui accorder la capacité de discerner entre la vérité et le faux. La compréhension. La compréhension. الآن تتعجب من أناس لا يفهمون أمورا بسيطة من أصول دينهم تحاول أن تفهمهم لا يفهمون. Aujourd'hui, tu peux être surpris, choqué de certaines personnes qui ne comprennent pas des sujets simples de la base de leur religion. Tu essaies de leur expliquer, de leur faire comprendre, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi ? كَلَّبَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَكَانُوا يَكْسِدُونَ. Non, mais leurs cœurs sont couverts de ce qu'ils ont accompli. À cause des péchés. Souvent, on néglige cela, les frères. En France, ici, tous les péchés que tu peux accomplir, que ce soit avec ton téléphone, tes yeux, ton argent, tes oreilles, que ce soit au travail, la médisance entre les employés, etc., etc. Tu te dis, Alhamdulillah, Mashallah, Alhamdulillah, je suis salafi. Ah ben, j'ai fait un petit péché aujourd'hui, mais Alhamdulillah, je suis bien, je suis sur la sunna. En pensant que ces péchés ne vont pas être une cause qui peut te sortir de la sunna. Ces péchés peuvent être une cause qui te sorte de la sunna. Car tu as besoin de la taqwa pour comprendre. Pour comprendre ta religion. فَمَا أَحْوَجَنَا إِلَى الْعِلْمِ وَإِلَى الْفَهْمِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ مَا كَثْرَةِ الْفِتَنِ. Comme grand est notre besoin en science et en compréhension durant cette époque durant laquelle les troubles sont si nombreux. Nous avons donc besoin de comprendre. فَعَلَيْنَا نَتَّقِيَ اللَّهِ. Nous devons donc craindre Allah, faire preuve de taqwa envers lui. Turidu an tata'allam al-arabiyya. Al-tafsir. Al-fiqh. Al-aqida. Ittaqillah. Tu veux apprendre la langue arabe. Tu ressens des difficultés. C'est pas facile. Tu veux apprendre le tafsir. Tu veux apprendre l'aqida, le fiqh. Fais preuve de taqwa envers Allah. Et tu verras. Fais preuve de taqwa envers Allah. Combien se plaignent? Ah, la langue arabe, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Une montagne. Fais preuve de taqwa envers Allah. Tu verras la montagne où elle est après. C'est ça le muhim. ينقل عن الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني بترك المعاصي فإن علم الله نور ونور الله لا يعطى لعاصي. Il a été rapporté de Shafi'i qu'il a dit: je me suis plaint auprès de Waqi' de ma mauvaise mémorisation. Alors, il m'a recommandé de délaisser les péchés. Car la science d'Allah est une lumière. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée aux pécheurs. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée aux pécheurs. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit Al-fahmu min al-ilmi. Il dit la compréhension fait partie de la science. La science, c'est pas que le hifz. La science, c'est pas que la mémorisation. La compréhension aussi fait partie de la science. Il est donc important, tu veux que Allah il t'accorde Al-Furqan. Tu veux que Allah il t'accorde le discernement. Crains-le. Obéis. Accomplis les obligations, tes prières à l'heure. La zakat. Le jeûne. Tiens ta langue. Birrul walidain. La bienfaisance envers les parents. Silatul arham. Les liens de parenté. Et fais tes obligations. Délaisse les interdits. Et tu verras la compréhension après cela. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce même verset, après avoir cité ce bienfait grandiose, le discernement, il nous dit, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. C'est pas tout. C'est pas fini. Ça s'arrête pas là. En plus du discernement, cela, la taqwa, est une cause te permettant d'expier tes péchés. Et cela est en accord avec la parole d'Allah. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Fahad al-muttaqi, qad yaqa'u fi ba'd al-ma'asi as-saghira. فالله تبارك وتعالى يوفقه للعمل الصالح وهذه الأعمال الصالحة تمحو وتكفر عن السيئات. Et donc cette personne qui fait preuve de taqwa envers Allah, il se peut qu'il tombe dans des petits péchés. Et donc, excusez-moi, il va tomber dans des petits péchés. Et donc, la taqwa va être une cause qui va faire que Allah va lui accorder la réussite, lui permettre d'accomplir de bonnes actions, qui vont effacer ses mauvaises actions. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'Allah, il nous dit, yukaffir ankum sayyi'atikum. Il expie vos péchés. Wa yaghfir lakum. Il vous pardonne. Après avoir expié les péchés, il pardonne. Même en ahada, que cela signifie? Cela signifie quoi? أن الله يوفق العبد إلى التوبة من الذنوب الكبيرة. Que Allah tabaraka wa ta'ala va accorder la réussite à ce serviteur en lui permettant de se repentir des grands péchés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fayalaha min ni'ma. Quel grand bienfait! فالخاسر من يعصي الله تبارك وتعالى وهو واقع في الكبائر وهو لا يدري. Le perdant, c'est celui qui désobéit Allah tabaraka wa ta'ala. Il accomplit de grands péchés et il ne sait pas que ce sont des grands péchés. Il ne se repent pas. Allah ne lui permet pas de se repentir. Ne lui facilite pas cela. Pourquoi? At-taqwa. Tu peux avoir ta quoi, tu peux tomber dans des péchés. Nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles. Mais le repentir, il n'est pas accordé à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est facile, à qui il est facilité d'accomplir cet acte. Le fait de dire, je n'aurais pas dû faire ça. Excuse-moi, Akhi, je t'ai fait injustice. Excuse-moi, Akhi, j'ai parlé sur toi. Excuse-moi, Akhi, j'ai fait ci. Pardonne-moi, astaghfirullah wa atubu ilayh. Tel jour, j'ai dit telle et telle chose. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ce n'est pas difficile, quelques mots à prononcer. Mais parfois, c'est lourd. Pour certaines personnes, ça peut être lourd. Pourquoi? At-taqwa. At-taqwa. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dis, Voulez-vous que je vous informe des plus perdants en œuvre? Ceux dont leurs œuvres ici-bas sont égarées. Des œuvres perdues ici-bas. Alors qu'ils pensent bien faire. Fatajidur Rajul Yasub Yashtum ويفعل وهو يظن أنه في طاعة الله. Et donc tu trouves la personne qui insulte, qui fait des injustices aux autres, et il pense être dans l'obéissance à Allah. Ne pensez pas que cela vient comme ça. Il ne faut pas se dire, moi, alhamdoulilah, je ne suis pas tombé dedans. Attention, ça ne vient pas comme ça. Les péchés qui viennent petit à petit. Ne néglige pas les petits péchés dans lesquels tu peux tomber. Qui peuvent t'amener par la suite à tomber dans des péchés très graves. Les savants, ils disent, عُقُوبَةُ الذُّنُوبِ عُقُوبَةُ الذَّنْبِ الذَّنْبُ الَّذِي بَعْدَهُ. Le châtiment d'un péché est le péché qui vient après lui. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Ils ont une maladie dans leur cœur, alors Allah a augmenté la maladie. Alors Allah a augmenté la maladie. Voilà pourquoi nous devons faire preuve de taqwa. وَالنَّظِرُ فِي حَالَةِ النَّاسِ الْيَوْمِ يُذْرِكُ أَنَّهُمْ لَمْ يُرَكِّزُوا فِي هَذَا الْجَانِبِ. Celui qui regarde la situation des gens aujourd'hui comprend que les gens n'accordent pas une grande importance à ce point essentiel, et taqwa. Même dans le fait de savoir vers qui nous devons revenir dans notre religion. Et donc tu vois les gens qui te disent, qui pensent que celui qui est honorable, c'est celui qui a un doctorat. Ou celui qui est resté auprès des savants durant une certaine période. Ou à Médine, ou à Mecca. Ou. Celui qui est honorable. Où est-ce qu'on a vu ça dans notre religion? Où avons-nous vu ça dans le Coran ou la Sunna? Al-Bukhari wa Muslim, akhraja an Abi Hurairah radiallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس. البخاري ومسلم cité selon أبو هريرة رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a été interrogé, qui est le plus honorable? Qui est le plus honorable? Est-ce que le prophète il a dit أحفظهم, celui d'entre eux qui mémorise le plus? Non. أعلمهم, celui d'entre eux qui a le plus de science. Non. أغناهم, celui d'entre eux qui est le plus riche. Non. Il a dit أتقاهم, celui d'entre eux qui fait le plus preuve de taqwa. Celui d'entre eux qui fait le plus preuve de taqwa, c'est lui qui est honorable. En quoi ta science t'est profitable si derrière tu n'as pas de taqwa? Rappelez-vous cette parole des ulama. La yazalu al-alimu jahilan bi'ilmihi hatta ya'mala bihi. Le savant ne cesse d'être ignorant par sa propre science jusqu'à ce qu'il œuvre avec. Il a de la science, mais il n'a pas de taqwa. Et donc il n'œuvre pas avec celle-ci. Il ne va pas avec celle-ci. Il sait que tel et tel péché sont interdits, mais le fait. Pourquoi? Pas de taqwa. Fekem esemiatum. Et taqwa fadluha azim. Bisababiha yanelu al-muslimu al-khayrat. Comme vous avez pu entendre, la taqwa est un élément grandiose. Et par la cause de la taqwa, l'individu peut atteindre beaucoup de bien. فلهذا أمرنا ربنا ورسوله بأن نتقي الله في كل صغيرة وكبيرة. Et c'est pour cela que Allah et son messager nous ont ordonné de craindre Allah, d'avoir la taqwa envers Allah dans toutes choses, les importantes et les moins importantes. Wa khitaman li hadhihi al-kalima linata'ammal fi hadithin akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et pour finir donc cette assise, nous allons méditer sur un hadith qui a été cité par l'imam Muslim dans son recueil selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: inna ad-dunya hulwatun khadira, inna ad-dunya hulwatun khadira, certes la dunya est agréable, douce. La dunya est agréable, douce et verdoyante. Quelque chose d'agréable au goût. Doux, verdoyant, ça fait plaisir aux yeux. Ensuite, il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: fa inna allaha mustakhrifukum fayanzura kayfa ta'malun. Et certes, Allah, il va vous placer sur cette terre, sur cette dunya, après des peuples qui vous ont précédé. Et il regardera comment vous œuvrez. Il continue le prophète en disant: fattaqu dunya wattaqu nisa. Alors faites preuve de taqwa. Craignez la dunya et craignez les femmes. Faites preuve de taqwa concernant la dunya et faites preuve de taqwa concernant les femmes. Faites dunya hulwatun khadira. Et donc la dunya, elle est douce, agréable et verdoyante. Ay anna an-nufus tatlubuha ka hadhihi al-fawaki. C'est-à-dire que les individus, les personnes, les âmes en demandent. Ils apprécient cela, ils veulent de cette dunya. De la même personne qu'ils apprécient les fruits. De la même personne, de la même façon qu'ils apprécient les fruits. Fahiya hulwatun khadira. Et donc, cette dunya, elle est douce, agréable et verdoyante. Wa kadhalika ad-dunya sari'atul fana'. De la même façon, la dunya, et donc, elle périt et disparaît rapidement. Comme ses fruits. Comme les fruits que tu vas acheter et que tu dois manger rapidement. Avant qu'il périme. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne une image de la dunya. Pour nous montrer que l'être humain va être attaché à celle-ci. Et ensuite il nous dit: fattaqu ad-dunya wa attaqu an-nisa. C'est-à-dire: ijtanibu al-iftitana bid-dunya wa bin-nisa. Délaissez le fait de vous laisser tenter par la dunya et par les femmes. Fa nahnu fi hadhihi al-bilad ayyuha al-ikhwa. علينا أن نركز جيدا في هذا الجانب. Et nous, les frères, dans ce pays, nous devons beaucoup nous concentrer concernant ce point. فاتقوا الله في النساء. Craignez Allah concernant les femmes. فاتقوا الله في خلواتكم. Craignez Allah lorsque vous êtes seul. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: ijtanibu zina, wala taqrabu zina, excusez-moi. Wala taqrabu zina. Ne vous rapprochez pas de la fornication. Ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit la taznu. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Il a dit ne vous en approchez pas. C'est-à-dire, kullul esbab allati kuntu addi bika ila zina tatrukuha. Toutes les causes qui peuvent faire que tu peux tomber dans la fornication, tu les délaisses. La mixité, les regards, même au marché, fais attention. Et si tu peux éviter d'y aller, fais-le. Et autres. Nous devons donc craindre Allah tabaraka wa ta'ala concernant ces troubles qui peuvent nous toucher. Wa ba'du an-nas yadhunnu anna fitnat an-nisa takunu faqat bil ajnabiyat. Certaines personnes pensent que la fitna, la tentation des femmes, ne peut se faire que par les femmes étrangères. Que par les femmes étrangères. Quand on parle de fitna des femmes, à chaque fois, ils pensent la fitna des femmes étrangères. Wa laysa al-amru kadhalik. Et cela n'est pas correct. هذه المرأة التي تعيش معك التي هي زوجتك قد تفتنك. Cette femme avec qui tu vis, cette femme qui est ton épouse, elle peut te tenter. Elle peut te faire tomber dans la tentation. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Ô ceux qui ont cru, il y a certes parmi vos épouses et vos enfants un ennemi pour vous. Alors méfiez-vous d'eux. Alors méfiez-vous d'eux. Ibn Kathir, il dit, dans le tafsir de ce verset, يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد إن منهم من هو عدو الزوج والوالد. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit en informant concernant les épouses et les enfants qu'il y a parmi eux un ennemi pour l'époux et pour le père. بمعنى أنه يلتهى عن العمل الصالح. C'est-à-dire qu'il est distrait des bonnes actions. Il est distrait de l'accomplissement des bonnes actions. Distrait par qui? L'épouse et les enfants. Comme la parole d'Allah, il continue en disant, comme la parole d'Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Oh, ceux qui ont cru, ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas distraire par vos enfants, par vos biens et vos enfants. Ne vous laissez pas distraire du rappel d'Allah par vos biens et vos enfants. Et celui qui fait cela, ou ceux qui font cela, sont les perdants. Et il continue Ibn Kathir en disant, وَلِهَذَا قَالَهَا هُنَا فَحْذَرُوهُمْ. Et c'est pour cela que Allah il dit ici dans le verset qu'on a cité précédemment, alors méfiez-vous d'eux. فَحْذَرُوهُمْ. قَالَ Ibn Zayd, عَلَى دِينِكُمْ. Méfiez-vous d'eux, Ibn Zayd il dit, concernant votre religion. Concernant votre religion. Fattakullaha in aradtum an-najah. Alors craignez Allah si vous voulez la réussite. Wattakuhu fi dinikum. Et craignez-le dans votre religion. Wattakuhu fi azwajikum wa awladikum. Fatu'tuhum huquqahum. Et craignez Allah concernant vos épouses et vos enfants en leur donnant leurs droits. وَلَا تَظْلِمُوهُمْ. Et en ne leur faisant pas injustice. وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَلَا تَجْعَلُوهُمْ سَبَبًا فِي إِبْعَادِكُمْ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ. Et craignez Allah concernant vos épouses et vos enfants. Ne faites pas d'eux une cause dans le fait de vous éloigner de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, on dit aussi inversement pour les femmes. Même chose pour les femmes. Ne vous laissez pas tenter par vos époux dans le fait de délaisser l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Wafaqallahu al-jami' لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.